Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, question 56, de la résurrection du Christ considérée comme cause de la nôtre. Que, la résurrection du Christ est la cause de notre résurrection corporelle et spirituelle. 1. La résurrection du Christ est-elle la cause de la résurrection des corps ? Selon la doctrine de l'apôtre, notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts, comme étant les prémices de ceux qui dorment dans le tombeau, car, dit-il, la mort est venue par un homme, et par un homme aussi a lieu la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, 20. Rien n'est plus rationnel. Toute cause agit d'abord sur ce qui est plus rapproché d'elle, et elle atteint ensuite ce qui est plus éloigné. Conformément à cette loi, le Verbe de Dieu, source de la vie, a donné d'abord l'immortalité à son propre corps, il s'en sert ensuite comme d'un instrument pour produire la résurrection dans tous les autres. Note. Il est certain que la résurrection du Christ est la cause efficiente et exemplaire de la nôtre, efficiente, en tant que l'humanité du Christ, qui en a été l'objet, opère par la vertu de sa divinité, dont elle est en quelque sorte l'instrument, exemplaire, d'après cette loi que ce qui est plus parfait dans un genre est le type et le modèle de ce qui est moins parfait. Mais si, comme cause efficiente, elle s'étend aux méchants et aux bons, elle se borne, comme cause exemplaire, à ces derniers, les seuls qui soient rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Aussi cette parole de l'apôtre, il reformera notre corps humilié et le rendra semblable à son corps glorieux, Philippiens 3:21, ne s'applique tel qu'à la résurrection des élus. Fin de la note. 2. La résurrection du Christ est-elle la cause de la résurrection des âmes ? L'apôtre écrit, il est ressuscité pour notre justification, Romains 4, 25. La justification est la résurrection des âmes. La résurrection du Christ est donc la cause de notre résurrection spirituelle dans le présent, non moins que de celle de nos corps dans l'avenir. Nous l'avons remarqué, elle agit par la vertu de la divinité du Christ, dont la puissance s'étend aux âmes et au corps, car Dieu fait vivre l'âme par la grâce, et le corps par l'âme. Dès lors elle produit, non seulement la résurrection de nos corps, mais encore celle de nos âmes, elle en est même le type et l'exemplaire, car notre âme doit se former sur le modèle du Christ ressuscité, conformément à la doctrine de l'apôtre, qui dit, le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son Père. Ainsi nous devons marcher, nous aussi, dans une vie nouvelle. Ressuscité, il ne meurt plus. De même, nous devons nous estimer morts au péché pour vivre éternellement avec lui. Romains 6, 4.